Le mystère de la bête Gévaudan. Прослушайте текст и назовите событие, которое легло в основу фильма «Братство волка». Au milieu du XVIIIe siècle, un étrange animal a tué plus de 100 personnes dans la région du Gévaudan, l'actuel département de la Lozère. Selon les rares témoins, la bête était plus grande qu'un loup. Elle avait une force extraordinaire et s'attaquait surtout aux femmes et aux enfants. Certains croyaient qu'il s'agissait d'un tigre ou d'un ours qui appartenait à un montreur d'animaux sauvages. D'autres imaginaient un homme déguisé en loup. Pour d'autres, enfin, la bête était une créature du diable. Mais 3 ans après le début du massacre, un paysan, Jean Chastel, tue un loup aussi gros qu'une vache et la série des agressions s'arrête. Pourtant, la rumeur n'est pas morte. En effet, l'animal tué par Chastel n'a pas été examiné par des scientifiques et il ne correspond pas tout à fait aux descriptions des témoins. Aujourd'hui encore, certains historiens se passionnent pour le mystère de la bête du Gévaudan. Un film récent, Le Pacte des loups, révèle une explication possible. On prétend que derrière les meurtres du Gévaudan se cachait une société secrète qui voulait s'attaquer au pouvoir du roi Louis XV. La bête trompait la police et faisait croire à une malédiction sur la religion.